Le mois multi, c'est 25 jours de festivités et de rencontres avec des œuvres hors du commun. En primeur cette année, un passeport vous donne accès à l'ensemble des activités. Du 2 au 26 février à Méduse et chez plusieurs partenaires. moimulti.org. Oui, bonjour, bienvenue à l'émission Grain de sable. Je suis vraiment content d'avoir à nouveau, la première fois cette année, notre chroniqueur Étienne Blondeau. Merci d'être là, Étienne. Merci. Et c'est un sujet qu'on aurait pu parler bien avant aujourd'hui, la Syrie. Oui, c'est ça. C'est un sujet qu'on abordait peut-être de manière oblique, là, qu'on faisait des grands tours des situations géopolitiques sur la planète. On l'a jamais vraiment abordé de front. La Syrie, je pense que je vais commencer par ce qu'on doit vraiment avoir en tête quand on pense au Moyen-Orient en général, c'est que la situation est toujours complexe, hein, est toujours compliquée, et c'est pour ça qu'il faut pas intervenir. Nous qui sommes des pays lointains, on peut pas intervenir en choisissant un des acteurs en disant « celui-là est dans notre tête blanc comme neige, on va lui fournir soutien, argent et armes sans critique ». Pourtant, c'est ce qu'on fait souvent en étant des partenaires économiques, je pense de manière immodérée avec par exemple l'Arabie Saoudite dans cette région-là, ou le Qatar ou Israël, sans grande critique. Alors, dans le cas de la Syrie ou des régimes du genre, je pense que la première chose à faire, c'est d'essayer de s'en dissocier économiquement, hein, certainement pas leur vendre des armes, que ce soit pour les rebelles ou les régimes critiquables, ne pas leur vendre d'armes, d'équipements paramilitaires, et je crois aussi s'affranchir du pétrole, hein, qui est vraiment le produit qui fait qu'on est obligé de traiter avec des régimes qui autrement seraient infréquentables. Alors pour ce qui est de la situation de la Syrie, c'est là notre plus grand problème, je pense, en Europe, au Canada, aux États-Unis. Sur ce sujet-là, au contraire, on n'arrive pas à prendre nos distances, on n'arrive pas à essayer de nous élever autour de la situation et dire que peut-être qu'il n'y en a pas d'acteurs blancs comme neige avec qui on pourrait traiter et dont on pourrait souhaiter sans modération la victoire à travers la Syrie. Et pourtant, tous nos gouvernements n'arrêtent pas, je crois, de prendre parti contre Assad, comme si n'importe qui, y compris des groupuscules djihadistes, faut le dire, comme si n'importe qui gagnerait contre lui serait notre grand ami. Mais je pense que c'est la pire... C'est comme ça que nous avait été présenté ce conflit en Syrie. Dans les beaux jours des printemps arabes. Oui. Non pas printemps érables, j'ai bien dit, mais printemps arabes. Donc, on parle de ce qui se passait en Tunisie, en Égypte. Alors, tout dans cette couronne de la Méditerranée où on sentait bouillir, on sentait le vent du changement. Mmh. Et là, on a vu la résistance Assad fils faire en sorte qu'il tenait son bout, comme on dit, puis il le tient encore, son bon. On pensait que ce serait facile de se débarrasser d'Assad et de ce régime qui n'était pas dans l'air du temps, mais ça fait combien de temps de ça? Ça fait des décennies qu'il est là. Il est peut-être moins pire que son père de peu, mais Assad fils est certainement pas un cœur tendre. Mais oui, c'était assez motivant de voir les printemps arabes en 2011. Mais ce qui est assez triste, c'est de voir à quel point ces mouvements-là ont pas eu de résultats, hein, des années plus tard. Soit les gouvernements militaires sont revenus, comme ou par les exemple, frères musulmans. C'est ça, en Égypte, c'était les frères musulmans, puis les militaires qui sont revenus. Dans les autres pays, ça semble pas donner des réformes durables ou bien intéressantes. On pourrait dire la même chose du Québec, les printemps érables, le printemps érable. arable a fait en sorte qu'on a peut-être pu se débarrasser du gouvernement libéral du temps de Jean Charest, mais ça a l'air que le gouvernement libéral est vite revenu après une pause de 18 mois du Parti québécois. C'est comme un effet boomerang. Hein? Oui, c'est ça. Ça revient comme assez pire, vite. Ça revient pire. Oui, dans la figure. En pleine face. Alors, oui, ben c'est assez dommage. C'est parce qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas d'opposants vraiment structurés et puissants dans ce pays-là. C'est probablement les efforts d'abord du père Assad, là, qui était plutôt du genre à éliminer totalement tout ce qui pouvait ressembler à une opposition. Ben, Assad, fils, lui, est allé étudier en Europe, là, puis il parle quelques langues autres. C'est ça. Donc, superficiellement, il est plus fréquentable, mais c'est sûr qu'il réutilise beaucoup des outils de sa famille, qu'essentiellement, je pense... aspire beaucoup de richesses dans ce pays-là. Mm-hmm. Il est une famille extrêmement riche. Mais il faut dire que lorsqu'on regarde ce qui pourrait exister en face, c'est triste à avouer, mais il semble pas avoir d'agents, d'acteurs politiques prêts à prendre le pouvoir d'une manière pacifique et ordonnée et qui aurait l'assentiment d'une bonne partie de la Syrie. C'est pour ça qu'on doit être extrêmement prudent en disant, bon, ben on va éliminer Assad et quiconque viendrait après serait mieux. Ben, pas nécessairement, hein? Parce que on dirait que notre mémoire est courte. Hein? Ça a été essayé en Irak. Hein? La guerre en Irak, un horrible désastre. Disons que Saddam Hussein ne me revenait pas. Hein? Personnellement, j'aurais pas voulu vivre sous son gouvernement, mais du moment qu'il a été écarté, ça a été des années. En Libye, En Libye, c'est pire. Là, on c'est se débarrasse des dictateurs, c'est présumément, ça. Et dictateurs locaux. Alors, Kadhafi était... C'est ça, il était tout un personnage, mais du moment qu'il a été écarté, son mais pays est certains prétendent champ de ruines. Que la Libye, du temps de Kadhafi, était plus démocratique que bien des pays occidentalisés parce qu'ils donnaient sous la tente des audiences et il y avait dans des petits villages ce qu'on appelait ici des conseils de quartier qui avaient des vrais pouvoirs sur leur manière d'orienter et de développer leur localité. Oui, le personnage Kadhafi est beaucoup plus intéressant que les autres qu'on a mentionnés jusqu'ici, que ce soit Assad, père ou fils, que ce soit Saddam Hussein, parce que lui avait son livre vert où il a comme élaboré des idées démocratiques. Ah oui. Difficile de dire à quel point il les a appliquées, mais j'ai pas vraiment étudié ce dossier-là, mais j'ai entendu dire que ce livre vert avait tendance à être lu en Amérique latine et que ça a peut-être été un peu... l'inspiration du genre de réforme démocratique de, par exemple, Hugo Chavez. Oui, puis il finançait ces groupes-là aussi avec son pétrole. Oui, et vraiment, la Libye était un pays développé, riche, avec des belles villes, des barrages pour fournir de l'eau à sa population. Dans le désert, il fallait le faire. Mm-hmm. Il offrait, c'est ça, le pétrole et les voitures aux citoyens. Donc, économiquement... je crois qu'il faisait bon vivre, je pense, pour certaines, au moins pour les citadins. Très bien avec SNC-Lavalin, hein, on connaît ça, on a leur siège social pas loin d'ici. Là. Mais bon, je pense que les avantages peuvent s'arrêter là, mais au moins la Libye nous a prouvé cela, que lorsqu'on arrive et qu'on se dit, bon, ben il faut chasser le personnage central et on n'a pas à se soucier des conséquences, le cas libyen, certainement pire que l'Irak, je dirais... nous montre que le pays est dévasté par la suite. Donc, on n'a pas réussi, tout ça pour dire, en fait, que ce qu'on a réussi dans d'autres pays limitrophes et jouxtant la Syrie, on n'a pas réussi à le faire avec Assad. Mm. Et on n'aurait jamais pu imaginer, hein, Étienne Blondeau, d'avoir eu autant d'émigrants, de gens qui sont déplacés, de migrants, et on parle quasiment plus de ce phénomène de migration en chaloupe et qui inonde l'Italie, l'Europe et qui fait changer des gouvernements et qui fait provoquer des choses en Allemagne et partout en France. On n'aurait jamais pu deviner qu'un conflit plutôt régional ait un impact aussi européen. Dans le cas des migrants, c'est assez compliqué parce qu'ils sont d'origines diverses. Hein. Il y a beaucoup de Syriens au travers d'eux, mais il y a aussi beaucoup de gens de la Corne de l'Afrique, là, vers l'Est. Les immigrants traditionnels, réfugiés. Et d'Afghans aussi, qui finalement Quand ils perçoivent ce message-là d'Angela Merkel qui dit qu'elle va accueillir, j'oublie toujours le chiffre, c'était 1 million de migrants, mais en tout cas que... C'est le chiffre qui est sorti. C'est ça, mais qui finalement ne préparait rien économiquement pour les accueillir décemment, mais pourtant les invitait à venir, eh bien eux, qui avaient pour origine un tas de pays à travers le tiers-monde, passaient par la Libye, puisqu'il n'existe aucune autorité... aucune frontière là. Ils pouvaient ensuite prendre des navires dans des conditions vraiment très difficiles pour traverser la Méditerranée. Ça dépasse le cas syrien, oui, parce qu'ils viennent de beaucoup de pays en dehors de la Syrie. Et souvent, ils se retrouvent en Turquie d'abord. J'ai rencontré des Turcs dans le temps des fêtes qui m'ont expliqué les problèmes que ça crée effectivement en Turquie d'avoir plusieurs millions d'immigrants temporaires qui ont de beaux endroits pour être accueillis dans... Quand je dis beaux endroits, c'est relatif, mais ils ont des tentes et tout ça est supervisé par le gouvernement turc. Et les Syriens qui se retrouvent dans ces camps de réfugiés turcs ont droit à des prestations gouvernementales turques. Et il y a des montants qui ont été promis par l'Europe et par certains fonds internationaux pour rembourser la Turquie de l'accueil de ces migrants-là. Mais l'argent ne vient pas. Et c'est là que la Turquie laisse, dans son laisser-aller, laisse partir et encourage des Syriens à partir en chaloupe pour se retrouver au moins sur le territoire européen. Et là, que ce soit les Européens qui payent ce que les Européens ne veulent pas payer à la Turquie ou ont promis de rembourser puis qu'ils ne remboursent pas. Et comme Turc, certaines personnes peuvent être vraiment... déçus de cette situation-là parce que il y a des Syriens qui se retrouvent sur les plages, entre autres à Bodrum, le fameux petit enfant qui a été trouvé sur une plage, là, qui a fait le tour du monde et qui a fait en sorte que beaucoup de pays européens ont été sensibilisés, même s'il y avait vu plusieurs images de la guerre d'Assad, des villages, des villes complètes se faire bombarder en Syrie. Ce n'est que quand ils ont vu un petit bébé de 2-3 ans, un enfant de 2-3 ans sur une plage, que là, les gens ont réagi sur l'importance de la situation. Mais cette plage-là, là, c'est le Saint-Tropez des Turcs. Là. C'est comme si on disait qu'une plage à Miami, on a trouvé un petit, puis que ça change toute la situation par la suite. Mais les gens qui ont des chalets, des vacances, des maisons d'été, parce que c'est là que les riches Turcs se retrouvent finalement, font en sorte que ça crée une récession, comme on dit, dans ce coin-là. Parce que vas-tu vouloir aller te baigner sur la plage la plus populaire du coin si... Tout en nageant, tu peux te retrouver avec un corps d'un petit, combien de milliers d'autres corps? Donc, il y a une récession qui se crée en Turquie parce que les beaux endroits sont occupés par les Syriens qui veulent partir en chaloupe la nuit. Et souvent, quand tu vas dans ces villages ou ces endroits de villégiature, tu ne les vois pas, ils sont cachés dans les montagnes, mais ils sortent de temps en temps pour mendier, pour occuper des beaux lieux. Et là, les touristes viennent plus. Et qui, de toute façon, veut aller en Turquie en voyage quand on connaît la situation ou aller en Syrie en voyage? Donc, il y a des impacts réels qui font en sorte que il y a beaucoup de pays, les musulmans, qui veulent que ça finisse. Mais est-ce qu'on est à veille d'avoir la fin là-dessus? Difficile à dire parce que, en fait, on peut résumer la situation de la Syrie en disant que si ça se poursuit, ça s'éternise, ça dure sans interruption depuis 2011, le chaos dans ce pays-là, c'est parce que le chaos est nourri par les pays autour qui veulent voir Assad partir et qui préfèrent encore avoir de l'instabilité à leurs frontières que un agent en contrôle, quelqu'un qui contrôlerait vraiment le pays. Alors, c'est pour ça que ses opposants n'existent pas vraiment politiquement au pays. Alors, ils amènent des combattants, ils amènent de l'argent et ils amènent des armes pour que le combat cesse jamais. Et dans le cas de la Turquie, pour revenir rapidement sur les réfugiés, c'est vraiment ça qui est dommage avec les Européens, là. Leur discours fait aucun sens. Ou on peut comprendre qu'ils sont émus devant la photo que tu évoquais, mais s'ils sont incapables d'aligner les ressources pour accueillir correctement les migrants, ou au moins peut-être à donner des ressources à la Turquie pour qu'ils puissent vivre correctement là-bas, par exemple. Il faut au moins qu'ils amènent de l'argent ou des solutions lorsqu'ils sont... faut pas simplement en rester aux émotions. Puis pour ce qui est de la Turquie, oui, je pense que leur milieu touristique est en grande difficulté. Ça a été une année assez terrible au niveau des attentats sur le sol turc. Alors, ouais, la, juste là, la, leur, leur clientèle touristique commence à manquer. Et je crois que dans le cas de la Syrie, vraiment, ce qui me frappe, là, ce dont je voulais absolument parler aujourd'hui, c'était l'espèce d'hypocrisie qu'on a envers cette situation-là, parce que les Russes, s'ils sont venus, les Russes et leurs avions bombardiers, s'ils sont venus en Syrie, c'était par l'appel d'Assad. Là. C'était officiellement, ils étaient invités à rentrer. Tous les autres combattants sont entrés illégalement pour combattre Assad. Là. Les seuls qui étaient venus sous invitation, ben, c'est les bombardiers russes. Alors là, on parlait beaucoup ces derniers mois du siège de la ville d'Alep. Je pense que ça a été mentionné très souvent en nouvelles. Mais en même temps, il y avait en Irak, pas extrêmement loin, le siège de la ville de Mossoul. Alors, on a deux villes dans lesquelles il y a des combattants djihadistes qui tiennent la ville et les gouvernements qui essayent de reprendre la ville. Mais dans le cas d'Alep, c'était supposément un désastre que le gouvernement essayait de libérer la ville. Dans le cas de Mossoul, c'était merveilleux que le gouvernement venait libérer la ville. Il y a deux situations qui me paraissaient très semblables, mais il y en a une qui était atroce et l'autre qui était applaudie. Alors, je comprends mal nos médias lorsqu'ils disent que ce qui est bien en Irak est mauvais en Syrie. Finalement, c'est vraiment le régime laïque ou pro-russe d'Assad qui prend pas. Pour ce qui est des situations sur le terrain, ça n'a pas l'air de compter. On dirait que c'est juste de la politique, hein, aux réactions médiatiques. Et c'est ça que je trouve vraiment terrible. Puis dans le cas de la Syrie, ça aurait pu se régler rapidement. C'est vraiment... tous les pays de la région, par exemple les pays sunnites comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, qui ont une dent contre Assad, c'est eux qui font que le conflit s'éternise en amenant un flot ininterrompu d'argent pour tous les opposants d'Assad, même s'ils sont extrêmement radicaux au niveau de leurs idées, alors que finalement c'était un sujet assez simple parce que s'il y a une guerre en Syrie, je pense que c'est certainement à cause du gaz. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des pipelines de gaz qui devaient passer sur le territoire syrien. Parce que finalement, l'enjeu... partant de la Russie ou... Ben c'est ça, c'est que l'enjeu... Le gaz, c'est souvent la Russie. C'est ça, l'enjeu, là, le prix, là, le trésor que tout le monde veut, c'est le marché européen qui se chauffe souvent au gaz naturel l'hiver. Alors... Les grands acteurs veulent fournir du gaz en Europe. La Russie fournit le gaz en Europe. Il y a des pipelines qui, depuis de nombreuses années, passent en Europe pour les chauffer l'hiver. Mais le Qatar voulait faire des gazoducs pour faire passer son gaz et se rendre en Europe et le vendre aux Européens. Mais ça, là, vous sortez une carte, vous regardez le petit pays Qatar et vous dessinez une ligne qui part de là, ça passe par où? Ça passe forcément par la Syrie, c'est dans le chemin. Il faut remonter vers la Syrie, passer par la Turquie, ensuite aller vers l'Europe. Mais le chef de la Syrie, c'était Assad. Lui, il a beaucoup fait d'affaires avec les Russes. Alors, il s'est tourné vers eux et leur a dit, « Bon, les Qataris veulent faire passer un gazoduc sur mon terrain. Qu'est-ce que je leur dis? » Poutine, lui, son régime tient parce qu'il vend beaucoup de gaz, hein, il vend beaucoup de pétrole. Alors, il a dit, « Bon, ben, j'ai pas besoin de concurrents. Dis-leur non. » Et je pense honnêtement que les Qataris ont très mal pris de se faire dire non. Donc, quand on regarde la situation du gaz avant que vraiment la violence éclate, avant qu'on puisse parler de guerre civile en Syrie, ça se base vraiment sur le gaz. Et le prix du gaz peut avoir une influence aussi sur ces conflits. Oui, le prix du gaz, c'est sur... En gros, les hydrocarbures, là, dans les années récentes, les prix qui ont baissé, c'est surtout... l'Arabie Saoudite, hein, qui a décidé d'augmenter sa production. Et je pense qu'on peut juste deviner que c'était pour frapper la Russie. Hein. La Russie qui, elle, dépend tellement de ses hydrocarbures, là, elle s'asphyxie si elle n'arrive plus à exporter son gaz et son pétrole à un bon prix, ses budgets gouvernementaux pour se refaire une armée ou se faire une puissance mondiale. Elle ne réussit pas ça. On n'a pas beaucoup parlé des Kurdes, mais il y a le facteur kurde, hein, qui sont un peu les Québécois de la Turquie, ouais. Et qui là, enfin, on met mise sur une terre. dans le Kurdistan. Et il y a un mouvement donc indépendantiste qui veut vraiment, suite à l'élimination de Saddam Hussein en Irak, surtout donc le Kurdistan qui n'existe pas encore, pourrait éventuellement exister à la suite du résultat de ce conflit. Mm. Mais on peut comprendre que les Kurdes de Turquie, pour toutes sortes de raisons, ne sont pas encouragés par le gouvernement turc, qui veut aussi être un joueur important. Et récemment, à cause de certains événements, dont l'assassinat d'un diplomate, d'ambassadeur russe à Ankara, la capitale de Turquie, semble-t-il que ça l'a finalement... On aurait pu deviner que ça éloigne la Turquie de la Russie, mais ça l'a plutôt rapproché. Pour un objectif commun, c'est peut-être de mater les Kurdes aussi, qui, eux, ont quand même un parti jugé dangereux en Turquie, le PKK, qui a effectivement plusieurs attentats à son compte. Mais ce ne sont pas tous les Kurdes qui sont terroristes. On comprendra qu'il y a quand même des élus démocratiques kurdes en Turquie. Il y a une région, justement, la région qui longe la Syrie, l'Irak. C'est le Kurdistan. Donc, dans ces coins-là, c'est des députés d'origine kurde qui sont élus par des Kurdes, mais pas là, des extrémistes, là. Des gens normaux qui votent dûment dans un système démocratique pour leurs députés. Et ça s'est tapé dessus cette semaine, Ankara, je voyais. Vraiment, à coup de poing sur la gueule. Et donc, ça va pas très bien, là. Oui, je pense que les Kurdes sont habitués à avoir une histoire très tragique, malheureusement, mais je compatis vraiment pour eux. Et s'il y a bien un peuple qui mérite d'avoir un petit bout de pays, je pense que c'est les Kurdes, mais la situation est assez explosive parce que les Turcs peuvent pas permettre ça, sinon c'est la désintégration de leur propre pays. Mais lorsqu'on regarde... Il y a des revenus de pétrole, c'est le lien que je voulais faire aussi, qui fait en sorte que le Kurdistan serait viable économiquement si on leur laisse le pétrole qui est sur ce territoire, qu'ils revendiquent et qu'ils ont vraiment défendu bec et ongle, j'allais dire carabine et bombe. Et ils mériteraient, là, si ce n'est, là, si on avait un Yalta où on fait une division des États et des frontières. Oui. Les Kurdes ont eu beaucoup de pertes de vie, ont eu beaucoup investi, ont certains droits territoriaux à l'heure actuelle. C'est ça, la situation est vraiment difficile. Tout ce qu'on peut dire, c'est que de notre point de vue lointain d'occidentaux, on peut pas décider des frontières. D'abord, les frontières qui étaient dessinées par les anciens colonialistes, c'est un gâchis, je pense qu'on peut le dire depuis longtemps, en fait. Dans le Moyen-Orient, c'est peut-être même ça qui a causé bien des conflits au Moyen-Orient. C'est à cause de Laurence d'Arabie. Oui, c'est ça. On vous expliquera ça plus tard. C'est ça. Ça fait que, en gros, nous, on peut pas décider de leur avenir politique. Il va falloir que les gens de cette région-là décident pour eux-mêmes. Mais dans la situation des Kurdes, c'est ça. On peut juste avouer qu'ils ont une histoire extrêmement tragique et qu'on peut juste leur souhaiter une amélioration de leur situation. Alors, est-ce que c'est un pays? Est-ce que c'est des États... dans une fédération, il faudra voir les décisions qu'ils vont prendre. Dans le cas d'Assad et de la Syrie, je pense que la victoire d'Assad est inéluctable, mais c'est sûr qu'il va en ressortir affaibli, je pense, dans cette histoire-là. C'est peut-être une occasion, on peut pas prédire l'avenir, là, mais pour une région kurde en Syrie qui serait plus à même d'avoir une certaine autonomie, certains pouvoirs, là. On va leur souhaiter, mais on peut difficilement prédire ce sera le cas. Mais je sais ça, je m'attends à un retour d'Al-Assad à la tête de la Syrie, mais moins fort qu'auparavant, ce qui peut donner des chances pour les minorités comme les Kurdes. Dans le cas de la Turquie, vu la force du gouvernement Ankara actuellement, je pense pas que j'ai beaucoup d'espoir pour les minorités kurdes, surtout avec la réputation qu'ils se font avec leurs attentats. Ils se font beaucoup d'ennemis, beaucoup de rogne. C'est très dommage. Mais bon, moi, je peux juste souhaiter un meilleur avenir pour les Kurdes. Et ils y ont certainement, en Syrie, défendu leur terre de manière assez héroïque, assez impressionnante contre le groupe Daesh, l'État islamique, qui visaient leur extermination. C'était une situation extrêmement difficile. Et c'était les... Bon, c'est sûr que dans le cas de la guerre de Syrie, des pays comme les États-Unis ou les autres pays d'Occident se cherchaient des alliés fiables. Il y avait tendance à dire « Ah, pourquoi pas les Kurdes? Pourquoi pas leur donner de l'argent et des armes? Peut-être qu'ils vont se battre contre Assad ou éliminer l'État islamique. » Bon, je peux comprendre l'idée de les aider pour leur territoire, mais ils n'ont aucune intention de sortir de leur territoire. Là. Ils vont pas aller à l'autre bout de la Syrie pour se battre... parce que Obama aimerait qu'ils le fassent. Là. Ils vont défendre leur terre et ils l'ont très bien fait de manière honnêtement très impressionnante, mais on peut pas les voir comme un acteur qui libérerait hein, d'autres régions que la leur. Là. Ça n'a pas de sens. On n'a pas beaucoup parlé des Américains. Tu soulèves le point d'Obama. Il reste pas grand pouvoir à exercer d'ici le 20 janvier. Là. On est plutôt en fin de mandat et au bout de la chandelle, brûlé par les deux bouts. Qu'est-ce que Donald Trump, président non plus élu ni désigné, mais président en force, à partir du 20 janvier, penses-tu, Étienne, que la situation va changer? Je pense pas que la situation va changer dans le sens que le groupe El-Assad et Russie a vraiment le vent dans les voiles. Leur situation est difficile, la reprise de la situation est lente, mais ils vont gagner de manière inéluctable. Donald Trump, lui, je pense que tout ce qu'il a dit de vraiment clair, vraiment concret sur le Moyen-Orient, c'est qu'il voulait éliminer l'État islamique et qu'il allait demander à Vladimir Poutine de l'aide pour éliminer l'État islamique. Alors, je crois qu'ils vont pouvoir s'allier sur ce sujet-là. Il n'y a pas grand monde qui veulent protéger Daesh, là, l'État islamique. Je ne sais pas à quel point, comment ça va se concrétiser pour une participation de l'armée américaine, mais c'est ça. Je pense que ça va être le seul changement avec Donald Trump. Donc, on surveille la situation, Étienne Blondeau. Mm-hmm. On se fie sur vous et vos lumières et vos pistes pour voir s'il n'y a pas quelques grains de sable dans l'engrenage dans ces pays de grand désert, s'il n'y a pas quelques grains de sable qui pourront être d'actualité et faire partie de notre émission. Après cette pause, j'aimerais qu'on parle quand même de la face cachée de la dette québécoise. Attaque Québec organiserait une activité à Montréal, au Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet. Donc, ceux qui sont à Montréal mercredi, le 1er février, vous pourriez rencontrer Audrey Lorrain-Lamotte, sociologue, affiliée au collectif d'analyse sur la financiarisation du capitalisme avancé, communément appelé la CAFCA, et à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, qui est membre du CA, du Conseil d'administration d'Attaque Québec. Donc, Audrey Lorrain-Lamotte sera là aussi avec Céline Equet, chercheure à l'IRIS, ainsi que Raphaël Langevin, chercheur à l'IRIS, qu'on a eu avec nous à l'émission, qui sont, en tout cas pour Audrey Lorrain-Lamotte et Raphaël Langevin de l'IRIS, sont des auteurs, des co-auteurs avec Claude Vaillancourt et d'autres, du livre La dette du Québec, vérité et mensonge. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous savez, la face cachée de la dette québécoise, c'est important quand on regarde ça, de savoir d'où vient la dette publique québécoise, quelle est son histoire, à qui la devons-nous, quelles sont ces faces cachées qui empêchent, en fait, souvent, d'adopter les meilleures stratégies pour s'attaquer à ce problème. Dans cette conférence qui aura lieu à Montréal le 1er février, mais on va essayer de les amener, ces gens-là, à Québec, à un moment donné. D'ailleurs, si c'est très, très en demande et très populaire, cette activité du 1er février à Montréal, bien, on essaiera d'en organiser une de ces conférences où on pourrait voir qu'une meilleure compréhension de notre dette nous permettrait collectivement d'éviter les compressions budgétaires massives proposées comme seule solution pour la réduire. Alors, je salue les péquistes. Non? Il paraît qu'il y a un conseil national à Québec au centre des congrès. On n'a pas pu se déplacer ce matin pour des raisons mécanique. J'aurais bien aimé aller faire mon petit oiseau puis aller voir comment ça se déroule, les grandes décisions. C'est le premier grand conseil national avec le nouveau chef Jean-François Lisée, qui jadis était un de ses grands promoteurs du libre-échange. Ça aurait été intéressant de voir quel est son discours face à ce sujet qui est très important pour Attaque Québec. Est-ce que l'évasion fiscale, ça lui dit quelque chose? Alors, ça aurait été bien d'entendre et de voir certains leaders péquistes, députés actuels qu'on connaît pour connaître leur position sur des sujets qui nous intéressent ici à Grains de Sable. Alors, on les salue s'ils sont à notre écoute en plein congrès. On en reparlera peut-être la semaine prochaine s'il y a des décisions importantes, puisque souvent, on doit regarder ce qui se passe dans l'opposition chez nous pour voir poindre peut-être que le prochain gouvernement pourrait changer des choses. Alors, je salue tous les péquistes avec cette chanson qui leur est dédiée en l'honneur d'un de leurs anciens chefs, un de nos plus grands poètes qui a écrit tellement de belles chansons. Alors, je salue Mario Brassard qui nous parle de Félix et René. Parmi ses amis, CKRL.QC.CA 89.1. Cet hiver, vivez l'expérience du Mois Multi, le Festival international d'art multidisciplinaire et électronique de Québec. Tout le mois de février, découvrez des performances et des spectacles inédits. Embarquez dans un road trip cinématographique. Ressentez l'impact poétique de la violence. Laissez-vous guider par des voix automatisées. Le Mois Multi, c'est 25 jours de festivités et de rencontres avec des œuvres hors du commun. En primeur cette année, un passeport vous donne accès à l'ensemble des activités. Du 2 au 26 février à Méduse et chez plusieurs partenaires. Moimulti.org. Signez et doublez. Doublez. Vous avez un produit ou un événement à promouvoir? CKRL double le nombre de diffusions de votre promotion à la signature de votre contrat. C'est facile. Signez et doublez. Doublez. Contactez notre département des ventes au 418-640-2575, poste 209, pour connaître toutes les options qui vous sont offertes. Cette offre prend fin le vendredi 27 janvier. Émission activée. Micro ouvert. Bienvenue. Émission Le Grain de Sable. Attention, attention, il y a un grain de sable dans la machine. Je l'aime tellement le thème que j'aime ça le remettre. Il me semble que ça nous met dans l'ambiance. C'est comme si on faisait une deuxième émission. L'avant-première demi-heure et l'après-deuxième demi-heure. Bienvenue au Grain de Sable. De retour, ici Jean Cloutier à l'animation, Étienne Blondeau à la chronique et à la spécialisation, je devrais dire. C'est toujours intéressant de parler avec quelqu'un de bien documenté sur des sujets souvent complexes. Et c'est de là la qualité d'une personne d'essayer de nous simplifier ça le plus possible. Alors, quand je dis des expressions comme les Kurdes sont les Québécois de la Turquie, je pense qu'il faut quand même aussi avoir une pédale douce dans l'acceptation de cette comparaison, mais c'est quand même une façon imagée de vous dire, ben oui, il y a des revendications indépendantistes, pas juste au Canada, qui datent de plusieurs décennies, sinon plusieurs siècles, mais les Kurdes sont des gens qui ont leurs propres députés élus, et donc dans leur parlement fédéral, et qui ont des revendications, pas nécessairement indépendantistes, mais de reconnaissance de leur langue, de leur culture, de leur musique, de leur danse, de leur façon de vivre. Ils sont vraiment des gens particuliers. Je salue mon ami Habib, un Kurde réfugié à Paris, docteur en philosophie d'économie, qui serait quelqu'un qui s'apprend très bien en français, qui aurait pu être un bon commentateur de ce sujet. D'ailleurs, si jamais on fait une émission sur le Kurdistan, on pourra inviter mon ami Habib Hamza Erdem, qui vit à Paris et que j'ai hâte de revoir éventuellement. Quand je faisais les émissions à partir de Paris l'an dernier, en décembre, c'est chez lui que je demeurais. Donc, on se couchait très tard le soir, on se levait très tôt le matin à parler de la situation en Turquie et en Syrie, en Irak, et lui-même étant correspondant pour certains médias turcs, télévision, radio et papier. D'ailleurs, je me demande si ces médias-là, quand je dis ça, je suis pas mal certain que ces médias-là ont été fermés, abolis par le gouvernement turc sur place, qui a de moins en moins de bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique. Oui, ben si je peux faire une petite parenthèse, juste ça me tentait de rire sur le dos des économistes, là, surtout que tu as mentionné la philosophie de l'économie il y a quelques secondes. Eh ben peut-être qu'on peut faire des comparaisons à la limite simples comme entre les Kurdes et les Québécois. Il suffit de faire comme un économiste ensuite et de dire « toute chose est égale par ailleurs ». Chitalis paribus, c'est ça, comme on dit en latin. C'est ça. Donc, que Bernard Landry aurait dit. Du moment qu'on brandit cette phrase latine bien connue des étudiants en économie, ben on est excusé de tout ce qu'on dit par la suite. C'est vrai. Alors voilà. Peu importe ce qu'on a dit en première demi-heure, toute chose étant égale par ailleurs, et voilà, ça peut changer. Je ferme la parenthèse, j'ai pas pu m'en empêcher. Alors oui, ben dans le cas des Kurdes, c'est ça, même les Kurdes sont assez variés parce que en Turquie, il faut dire, il y a aussi pas mal de Kurdes musulmans, pas mal de Kurdes très conservateurs, donc même certains qui seraient pas très enchantés par les idées, j'allais dire socialistes, mais c'est peut-être plus anarchiste le bon mot, de certaines expériences qu'on voit dans le Rojava, Kobané, tu sais, des régions assiégées en Irak ou en Syrie, assiégées par l'État islamique, où on a des expériences démocratiques vraiment nouvelles, hein, des villes qui se gèrent par eux-mêmes, des quartiers qui ont des assemblées de citoyens pour gérer les choses ou même gérer les forces de combat pour défendre leur quartier et leur ville. Alors, c'est au moins un modèle qui est intéressant de voir que dans des petites régions du monde, on a des résistants qui résistent devant l'intolérance la plus crasse, là, la plus directe, la plus violente, des gens qui gèrent autrement leur État. Par un fédéralisme, je pense que c'est carrément... je sais pas s'il est le fondateur, mais en tout cas, c'est le chef du PKK, là. Parti des travailleurs kurdes. Qui est en prison. C'est ça. En prison, justement, il s'était renseigné sur l'anarchisme, puis il avait fini par développer cette idée-là de fédéralisme, où on divise comme la société en plusieurs couches, on essaie de s'assurer qu'elles gèrent leurs propres dossiers, leurs propres affaires par elles-mêmes. Alors, c'est aussi un autre aspect intéressant du peuple kurde, c'est vraiment des expériences démocratiques. Vraiment, on pourrait regarder ça et prendre des notes pour notre Abdullah Öcalan. Ouais. Quand on le prononce à la turque, là, Öcalan, ouais, ça s'écrit O avec deux petits points dessus. Ouais. C-A-L-A-N. Même que O avec deux points, c'est comme un E. Donc, on va dire Abdullah Öcalan. Le C étant comme un J. Alors, ouais, ceux qui connaissent l'espagnol savent que des fois, les lettres peuvent changer complètement la prononciation. Ouais, j'étais sûr, j'allais massacrer son nom. Mais... Je parle un petit peu le turc, puis quand j'entends des journalistes de Radio-Canada ou d'autres là, prononcer des noms turcs, ça me fait rire. J'ai le goût de les appeler, mais je les dérangerai pas pour ça. Ouais, c'est... Ils ont juste à parler une coupe de Kurdes ou une coupe de Turcs, puis ils vont se faire dire que c'est Erdogan et non pas Erdogan, tu sais, quand même. Ouais, ouais. Ben c'est ça. Puis dans leur relation pour les États-Unis, là, on parlait de la complexité du sujet. S'il y a bien quelque chose de difficile à saisir, c'est l'attitude des États-Unis. À part peut-être de supposer qu'un chaos qui se maintient en Syrie, ça les arrange, parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose pour régler le problème. Ils n'ont pas fait grand-chose de sérieux pour aider le problème. Et finalement, moi, j'avais pris une citation de John Kerry, hein, le diplomate en chef des États-Unis sous Obama, là, secrétaire d'État. John Kerry, lui, il a dit « La Russie a empêché Daesh de prendre le pouvoir en Syrie. » Alors, pourquoi il y a cette espèce pourquoi les États-Unis montent le ton contre la Russie et semblent toujours s'horrifier de l'aide militaire de la Russie en Syrie s'ils ont avoué que sans les Russes, Daesh aurait pris Damas et aurait remporté toute la Syrie, vraiment, on comprend pas. Est-ce qu'ils veulent que l'État islamique se maintienne ou continue de se battre? C'est comme si le chaos les contentait. Et je pense que l'exemple le plus flagrant, c'est le cas de la prise de Palmyre. Je pense que les gens ont beaucoup vu d'images des ruines romaines dans la ville de Palmyre, hein, devant les trésors de l'histoire de l'humanité en architecture. Une très belle ville qui avait été prise par l'État islamique. Alors, l'État islamique était parti dans leur char Toyota. Hein, ils montaient leur pick-up avec les mitraillettes en arrière. Les mitraillettes, les bras en l'air et les bannières noires. Alors, ils partaient en file indienne de char Toyota pour se rendre à Palmyre. Et ils ont pris la ville sans grande résistance. Et ça, c'était au moment où il y avait une coalition entre les États-Unis et d'autres pays pour combattre l'État islamique. Alors, pourquoi, avec la technologie moderne, l'imagerie satellite, ils n'ont pas vu une colonne de véhicules qui traversait un désert? Là, pour ceux qui ne savent pas, je rappelle qu'un désert, c'est plat. Hein? C'est assez facile. Il y a quelques dunes. Oui, mais pas assez hautes pour les cacher. Et ça soulève un peu de poussière, un peu de sable. Alors, disons que c'était assez facile de les voir arriver. Si c'est loin des pipelines puis des sources de pétrole, les satellites ne voyaient pas rien. C'est là. Ça, ça les intéressait plus. Alors, on les a laissés passer. Et le Canada aussi est coupable, les États-Unis. Ils ont laissé une ville, supposément un site protégé, hein, pour son histoire. Mais ils ont laissé passer des gens qui allaient forcément dynamiter hein, les monuments et massacrer les minorités religieuses, minorités ethniques de cette ville-là. Alors, on voit que les États-Unis avaient aucun sérieux. Palmyre n'était pas dans la mire. Ouais, Palmyre ne les intéressait pas une seule seconde. Mais bon, qu'est-ce qui les intéresse au Moyen-Orient? Hein? Certainement pas le sort des populations. C'est le pétrole. C'est le pétrole. Vraiment, l'attitude des États-Unis, je pense, c'est mieux résumé par une anecdote. Je pense que c'était Madeleine Albright, son nom. Oui. Elle était secrétaire d'État auparavant. Là. Elle avait été mise dans ce rôle-là par Bill Clinton il y a plusieurs années. Et elle, on lui disait, bon, faites une rétrospective de la guerre en Irak. Est-ce que ça valait le coup? Et là, le journaliste, je pense qu'il avait demandé, je pense qu'on a comptabilisé qu'il y avait eu 500 000 d'enfants irakiens morts là, dans la guerre d'Irak, les suites de la guerre d'Irak. Est-ce que ça valait la peine d'aller là pour emmener la soi-disant démocratie? Est-ce que ça valait la peine? Et elle, elle a dit pour... Il a vraiment répété le chiffre, là. 500 000 enfants irakiens morts, est-ce que ça valait la peine? Lui, elle a dit. Elle a répondu oui. Alors, c'est le genre de gens, le genre de bonhomme hein, qui gère la diplomatie américaine. C'est assez inquiétant. Et penses-tu qu'on devrait être réconforté par la nomination du nouveau secrétaire d'État aux États-Unis d'Amérique, oui, avec cet ancien président Dixon? C'est ça, c'en est un. La plus grande compagnie pétrolière qui a des tentacules partout sur la planète. Ici, c'est Esso, quoi. Oui, bien, c'en est un autre qui est très intéressé par le pétrole. C'est qu'on peut dire qu'au moins, il y a de la continuité sur cet aspect-là. Alors aussi, il y a le choix entre 500 puits de pétrole ou 500 000 morts. Oui. Il va probablement choisir les 500 puits de pétrole. Dans le cas, bon, c'est pas moi qui va pleurer sur le sort de l'État islamique, là, si vraiment Donald Trump va de l'avant avec son idée de mettre fin au groupe avec l'aide de la Russie. Et dans le cas des proximités de cet homme-là, secrétaire d'État, avec la Russie, moi, ça me pose pas de problème parce que c'est déjà mieux. La situation très... Quand je disais là, l'attitude des États-Unis sous Obama était très ambiguë là, pendant la guerre civile en Syrie, c'est par exemple lorsqu'il arrêtait pas d'hausser le ton, lorsque les Russes bombardaient les djihadistes ou bombardaient l'État islamique. On se demandait pourquoi, franchement. Là. C'est comme s'ils voulaient défendre les djihadistes qui étaient des... seulement parce qu'ils défendaient Assad. Là. Lorsqu'ils voulaient quasiment... Lorsque l'idée courait à Washington d'éliminer, d'abattre les avions russes pour protéger Alep. Imaginez-vous la portée de cette phrase-là ou de cette idée-là. Hein? Abattre des avions russes. Un pays qui sait se défendre et qui a de l'arme atomique, ça aurait mené à la Troisième Guerre mondiale. Des fois, il faut dire les choses parce que les gens n'ont pas l'air de deviner les conséquences de leurs menaces ou de leurs petites phrases. Mais ça aurait mené à la Troisième Guerre mondiale. Alors, ça a été très étrange. Après une guerre mondiale, si nos rares survivants auraient fait l'histoire de l'année 2016 et auraient dit « Ah oui, les États-Unis ont fait la Troisième Guerre mondiale pour défendre Al-Qaïda à Alep. » Al-Qaïda étant ceux qui ont fait le 11 septembre, encore une fois, pour ceux qui ont la mémoire courte. Il y a quelques années, j'ai lu Nostradamus, puis Nostradamus, comme vous savez, c'est une source très, très, très fiable. Ouais. Et il annonçait une Troisième Guerre mondiale créée par un barbu du Moyen-Orient, si on peut traduire son langage du temps en mots d'aujourd'hui. Alors, moi, à chaque fois, je vois un conflit éclaté, que ce soit en Syrie, en Irak, depuis que je suis la géopolitique internationale, ce qui veut dire depuis, ouf, déjà une quarantaine d'années. Ça ouais. Me vieillit pas, là, mais ça me rajeunit pas non plus. Et ça a toujours été... Je suis en attente de cette guerre-là, mais même un de mes amis qui avait fait sa maîtrise en relations internationales à l'Université Laval, je pourrais même nommer son nom, Daniel Allard, qui se promène dans le coin des chambres de commerce de Saint-Cy, qui est le fondateur d'un journal électronique Commerce Monde, qui existe peut-être encore. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas reçu l'abonnement, mais Daniel Allard... qui a fait sa maîtrise sur l'eau, était convaincu que c'était plutôt les ressources en eau qui créerait ce troisième conflit mondial, cette troisième guerre mondiale, surtout ce qui se passait en Israël dans le temps, on parle d'il y a une vingtaine d'années. Alors, les Kurdes, l'Euphrate, qui est une rivière, un fleuve qui passe en Turquie, alors où on y construit des barrages hydroélectriques comme ici, là, hein. Il n'y a pas juste des barrages hydroélectriques là à la Manique 5. Il y en a partout dans le monde. Les Kurdes, peut-être même avec la technologie canadienne à l'époque, ont développé des barrages hydroélectriques sur l'Euphrate qui, quand on continue, se retrouvent au Proche-Orient et fournit en eau beaucoup de pays où il y avait plus de désert que de lacs. Ouais. Alors, on était convaincu que l'eau allait devenir une source de conflit, mais c'est bien le pétrole dans ce coin-là qui pourrait provoquer qu'un barbu annoncé par Ostradamus. Ben, c'est les deux, parce qu'il y a déjà un conflit pour l'eau. Hein. Là, je pense même que la Syrie tapait du pied en voyant trop de barrages qui se construisaient en Turquie en disant quelle eau va rester à la Turquie vu que ça vient de vos montagnes. Les mêmes rivières se rendent jusqu'en Israël. On peut comprendre Israël, Syrie. C'est pas tous des amis qui fêtent la Noël ensemble. Là. C'est ça. Puis Israël, d'ailleurs, dans ses territoires occupés, a tendance à, je pense, se saisir pas mal des puits ou des sources d'eau au plus vite, hein, ou alors ses colonies se situent autour, là, pour le plus grand malheur des Palestiniens. En conclusion? Vraiment, on a parlé du pétrole, hein, comme source de conflit. Raison de plus d'aller à une économie post-pétrole, d'aller à des énergies vertes qui nous permettent de plus dépendre de cette ressource-là, parce que c'est un facteur de guerre, et cet argent-là va souvent à des barbus, pour reprendre ton terme, qui ont une idéologie pas très intéressante. Même si on le produit qui nous intéresse, leur idéologie est inquiétante. On parle pas des barbus à la Première Guerre mondiale, non, qui étaient des soldats français. Ouais, dans les tranchées. Les poilus. Les poilus, OK. Ouais. Bon. C'est pas, je vais faire un lien avec la France, ça boite un peu, mais c'est que cette semaine, parmi les informations que je veux partager avec nos auditeurs, c'est le programme de Yannick Jadot. Peut-être que vous connaissez pas Yannick Jadot, mais c'est le candidat qui a été choisi dans une sorte de primaire parmi les candidats écologistes. Donc, le candidat pour Europe Écologie Les Verts aux prochaines présidentielles françaises qui ont lieu au printemps prochain. Peut-être vous entendez beaucoup parler là, du candidat de la droite, François Fillon, les candidats à la primaire de gauche qui exclut le Parti vert, en fait, même s'il y a eu des alliances aux dernières élections présidentielles. Hollande n'aura pas été élu président de la République sans l'appui des 5% des Verts au deuxième tour. C'est pourquoi ils se sont retrouvés avec deux ministres minimum qui ont été changés récemment par deux autres ministres verts, qui a quand même, ce qu'on pourrait dire, 17 députés verts à l'Assemblée nationale à Paris, 12 sénateurs et plusieurs nominations politiques, puisque les Verts avaient décidé au deuxième tour d'appuyer non pas, j'allais dire Marine Le Pen, mais d'appuyer François Hollande. Donc, les Verts, même s'ils valent que 5%, peuvent faire pencher, surtout s'il y a plusieurs candidats indépendants de valeur comme Emmanuel Macron. J'ai une belle-mère qui est descendue de France dans le temps des fêtes, qui est en train de lire la biographie d'Emmanuel Macron. On sent qu'il y a des vedettes locales, je pourrais dire, peu connues ici, mais qui pourraient changer la donne et faire en sorte que le vote se divise et que le Front national ne soit pas élu au premier tour, entre autres. Et donc, les Verts ont quand même un phénomène. Et Yannick Jadot, lui, en fait, c'est un député européen, tout comme Eva Joly, qui était la candidate aux dernières élections. Et il a sorti son programme électoral pour la présidentielle le 11 janvier dernier, donc cette semaine. Alors, le candidat écologiste a présenté son programme intitulé « La France vive ». Il prévoit la sortie du nucléaire d'ici 2035, un revenu de base et une réforme fiscale de grande ampleur. Le programme est divisé en 7 chapitres et comprend 76 mesures. Et souvent, ces mesures-là des partis verts, puis c'était pareil ici, hein. Il y a des choses que les partis qui, eux, ont les chances de prendre le pouvoir prennent dans les programmes des plus petits partis dans le but de prendre de bonnes idées et justement aller chercher des alliances. Donc, peut-être que Jean-François Lisée prépare ce genre d'alliance. Enfin, je sais, avec ses connaissances et son réseau international, il est capable de comprendre ce qui se passe par ce régime d'alliance qui a déjà été proposé au Parti québécois, d'ailleurs, mais qui a été refusé par Mme Marois à l'époque. Donc, sur le thème « La France vive », une république écologique. On veut, non pas une cinquième république, mais une république écologique. Le programme prévoit une réforme constitutionnelle dont l'inscription à l'article 1 de la Constitution de la notion de république écologique. Il prévoit aussi de réduire l'Assemblée nationale à 400 députés. au lieu de 500 et quelques, là, élu à la proportionnelle, à 100% de la proportionnelle, avec 20% de jeunes de moins de 30 ans, et de donner le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Mmh. Aux étrangers quand même qui vivent en France, qui ont une certaine carte de présence, parce qu'ils sont exclus à l'heure actuelle. Donc, une sortie du nucléaire et du diesel, Yannick Jadot défend une sortie progressive et définitive du nucléaire d'ici 2035, avec des fermetures de réacteurs dès cette année. Il souhaite également revoir à la hausse les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de 30 % en 2020, 50 % en 2030, via notamment la sortie du diesel et diviser par deux la production de déchets par habitant à l'horizon 2030. Un SMIC, hein, ce qu'on pourrait dire les prestations de dernier recours, à 1 800 euros bruts. Ça fait plus de 2 500 $ par mois. Ça, c'est beaucoup hein, pour ceux qui sont sur l'aide sociale, qui gagnent entre 500 et 600 par mois. Oui. Ça serait une augmentation de salaire de déménager en France. Oui, donc, oui. C'est une bonne idée, ça. Ça paierait le billet d'avion. En tout cas, toujours est-il que sur le terrain économique et social, le député européen Yannick Jadot préconise la création d'un Small Business Act réservant la moitié des marchés publics à des PME et PMI, encore plus petites, localisées en France, mais aussi une revalorisation du SMIC, comme je le disais, à 1 800 euros bruts. Alors, beaucoup de réformes sociales qu'il envisage, l'expérimentation d'un revenu de base dont les conditions seront définies lors d'une conférence de consensus suivie d'un débat national. Donc, peut-être des idées qui seront prises. Évidemment, on parle de libéralisation, décriminalisation du cannabis, une politique très, très féministe pour l'accès à la procréation médicale assistée pour toutes les femmes, la révision des durées de prescription dans les violences faites aux femmes, le renforcement du droit à mourir dans la dignité et à la réouverture de la réflexion sur une nouvelle réduction du temps de travail. Il propose également, en terminant, le développement des maisons de santé et l'interdiction des glyphosates. Autrement dit, Monsanto pourra aller prendre sa douche. Il défend également le développement d'une police de proximité appuyée sur une justice au moyen de renforts vraiment détaillés. Donc, je voulais saluer Yannick Jadot, qui est vraiment un grand défenseur contre le libre-échange. Autrement dit, on a beaucoup entendu parler de Paul Magnette, qui a travaillé très fort comme ministre-président des Belges, ou en fait des Wallons. Mais il y a des députés européens comme Eva Joly, comme Yannick Jadot, qui en font un combat quotidien. Et si vous allez sur le site du Parlement européen et que vous tapez dans votre recherche Yannick Jadot, son dernier discours où il tape sur le Canada comme pas possible. Alors, c'est un allié d'attaque. C'est un allié de ceux qui sont contre les paradis fiscaux, qui sont pour une taxe sur les transactions financières. Donc, c'est un ami d'attaque France, c'est un ami d'attaque Québec. Et on vous remercie, en fait, d'être venu avec nous cette semaine à l'émission Grain de Sable. Restez, là, si vous êtes des passionnés d'informatique, là, puis toute l'information reliée à ça, puis les films qui ont rapport à ça, ne manquez pas les Geeks contre-attaque. Merci, Étienne Blondeau, d'être venu. J'espère que tu reviens dans deux semaines. Oui, je sais. Tu nous parleras de quoi à ce moment-là? On parlera de la guerre au Yémen pour poursuivre sur notre lancée. La guerre au Yémen? Eh bien, le Yémen du Sud, le Yémen du Nord. Vous savez, le café qu'on boit, là, ça vient de là, la tradition. On en parlera peut-être. KRL.QC.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. CKRL 89.1.